Les États-Unis s'acharnent plus que jamais à la provocation militaire téméraire pour déclencher une guerre nucléaire. Le 29 mai, une formation de bombardiers stratégiques nucléaires B-1B, basée à l'île de Guam, a quitté sa base à l'aube pour effectuer des exercices de bombardement nucléaire au-dessus de la Corée du Sud. Arrivé jusqu'à 80 km à l'est de Gangneung, proche de la ligne de démarcation militaire sur la mer de l'Est de Corée, elle a livré avec les chasseurs d'assaut du porte-avions nucléaire Carl Vinson, déjà déployé sur la mer de l'Est de Corée, pour les manœuvres navales conjointes avec la marine sud-coréenne, des exercices conjoints de frappe de précision contre des cibles importantes de notre République. Parallèlement avec les appareils sud-coréens, les avions américains ont fait des exercices pour se perfectionner dans l'ordre de mouvement d'ensemble lors de la navigation vers l'espace aérien de la péninsule coréenne.